Le chat du rabbin de Johann Svarr, publié chez Dargaud. Adaptation radiophonique Catel Guillou. 10e épisode. La Jérusalem d'Afrique. Après notre petit séjour chez les Bédouins du Tanez Rouft, il ne nous restait plus qu'à traverser tout le continent africain pour trouver la Jérusalem du peintre. J'ai l'impression qu'il y en a un qui aimerait bien faire une pause. Mais non, c'est un animal robuste. Hein, Bourrico? Ah oui, c'est un bon âne, mais il est un peu asthmatique. Pour ne pas voyager idiot, mon maître avait emporté une édition populaire des notes de la croisière Citroën. Pendant qu'il conduisait, il aimait nous raconter les anecdotes des compagnons d'Audouin Dubreuil. Vous voulez entendre une histoire sur l'évangélisation? Oh, ouais. Voilà. Au Dahomey, un curé expliquait à un indigène qu'il ne pourrait pas le convertir au christianisme puisqu'il avait 3 épouses. Alors le type est retourné réfléchir dans son village et une semaine après, il est revenu, tout souriant. Il a dit au curé qu'il avait tué 2 de ses épouses et que maintenant, il pouvait devenir chrétien. Oh là là. Oh, fais-moi penser que quand nous serons dans l'Ubangi, il faudra faire attention aux bandas. Ce sont des anthropophages. Il paraît que quand ils voient un blanc, ils l'appellent Yam Yam. Heureusement, le Cheikh Svarr connaissait l'Afrique autrement que par les livres. Oh, Abraham, mon frère, arrête un peu avec ton livre, veux-tu? Mais quoi? C'est rigoureusement scientifique. Mais depuis qu'on est parti, tu as le nez là-dedans et tu ne regardes rien. Arrête-toi là. Quoi? Arrête l'auto-chenille. Ici, en pleine brousse? Oui, mais oui, allez. Bon. Enfin. On va t'arriver? Non, c'est la pause photo. Regarde, Abraham. Regarde ces arbres, ces collines. Ah, ce voyage, tu ne le feras pas 2 fois dans ta vie, tu sais. Mais je regarde, cousin. Je regarde. Mais grâce au livre, en plus, je me cultive. Si tes Citroën avaient écrit le même compte-rendu sur les Juifs, tu dirais qu'ils n'ont rien compris. Non. Quand on découvre des choses nouvelles, il vaut mieux regarder au lieu de parler à tort et à travers. Oh, tu te crois plus malin qu'André Citroën, c'est ça. Oh. Malgré sa curiosité pour les sciences positives, mon maître finit par s'apercevoir des limites de son guide d'Afrique. Alors les Touaregs, il faut s'en méfier. Parce qu'il paraît que ce sont les pirates du désert. Mais ton cousin Malkai et toi, vous avez des amis Touareg, non? Hein? Oui, non. Peut-être qu'il s'agit d'autres Touareg. Il ne se rend pas compte, Mohamed. C'est beaucoup de nouvelles choses pour moi, tout ça. Je suis vieux. Sans le guide, j'aurais l'impression de me jeter dans l'océan sans bouée. Mais non, mais il a raison, le cheikh. Tu ferais mieux de juste regarder et de te taire. Quoi? Tu veux dire, sans faire de commentaires? Sans avoir d'opinion sur ce que je vois? Exactement. Mais je n'ai jamais fait ça. Il faut dire que c'est pas très français. Pas très juif non plus. Pendant que le cheikh échangeait des chansons avec les gens que l'on croisait, mon maître essayait de se raccrocher à de petites choses. Et moi aussi, je sais jouer de la darbouka. Dans ses maigres domaines de compétences, il se mettait même à faire des observations. Ah oui, je vois. Vous, vous tapez parfois avec le dos de la main. Moi, je tape uniquement avec le plat. C'est toujours mieux de retenir de petites choses. Ça permet de mesurer l'étendue de ce qu'on ne sait pas. Hey, Mohamed, écoute, je joue comme les Touaregs. Bravo. Ouh. Ah, je me sens fatigué maintenant. Tant pis pour le guide Citroën. Le Cheikh Svarr connaissait vraiment beaucoup de monde. Sa renommée de musicien semblait couvrir le continent entier. et nous ouvrait presque toutes les portes. Sois le bienvenu, mon cher maître. Mes hommages au sultan de Maradi. Longue vie à toi et virilité inaltérable. Pareil pour vous. Un sultan du Niger nous accueillit à sa table. On murmurait que son harem comptait plus de 1000 concubines. Psst, tiens, viens. Hé, hey, Cheikh. Oui. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai le peintre là qui me demande pourquoi on va pas à l'intérieur du palais. Parce que les femmes du sultan y sont. Oui. Et pour pouvoir jouer de la musique dans son palais, il faut avoir les yeux crevés. Ah. Après le repas, le sultan voulut voir notre automobile. Moi aussi j'en ai une. Ce sont des gens de Renault qui me l'ont offerte. Elle est belle. Mais elle fonctionne pas. Ah bon? Tu vois ça? Mon rabbin répara la voiture du sultan. Il me vint à l'esprit que mon maître avait plus de facilité avec les autos qu'avec la Bible. Mais je ne le dis pas. Non seulement j'avais retrouvé la parole, mais en plus, désormais, j'avais du tact. Voilà. C'était rien du tout. Elle marche bien maintenant. Bravo. Restez donc ici. Vous serez mon mécanicien. Ah, j'aimerais bien. Mais vous savez... On est reparti, chargé de cadeaux. Dis-leur qu'à la place de cadeau, on aurait pu négocier une visite au harem, hein. Mais qu'est-ce que tu crois? Pendant que vous aviez le nez dans le moteur, j'y suis allé, moi. Mais et c'est comment? Trop d'humaine, pas assez de chat. Oh, regardez les girafes! Là, elles broutent le long des arbres. Oh. Ah, c'est dingue! Elles sont tellement grandes, on voit même pas leur tête. Les chevaux, c'est bien. En tout cas, moi, ça me donne faim. Au Congo belge, nous avons croisé un jeune reporter très sûr de lui. Tiens, tiens, j'ignorais qu'il y eût des Israélites aussi loin en territoire nègre. Il avait un chien particulièrement stupide. Ouais, il n'y en a pas tout chez moi. Mais Lou, tu laisses ce chat tranquille. Il tirait sur tous les animaux qu'il croisait. Tiens, arrêtons-nous un instant, mes amis. Je crois que j'ai vu un éléphant. Il nous prenait pour des demeurés. Vous voyez, mes amis, ceci est le journal dans lequel j'écris. Enfin, je n'écris pas moi-même, hein. Nous utilisons une invention qui s'appelle l'imprimerie. Vous savez déchiffrer les lettres occidentales? Sinon, il y a aussi des bandes dessinées. Même si vous ne savez pas lire, il suffit de regarder les images. Il parlait tout le temps et n'écoutait jamais rien. Vous voyez, je me lave au moins une fois par jour. Cela me préserve des maladies et des poux. Se laver, ce n'est pas juste un jeu, hein. C'est excellent pour la santé. On a été content de repartir. Au revoir, mes amis. Et n'oubliez pas de me retrouver toutes les semaines dans les petits maintiens. Oh, quel boulet, celui-là. Tu l'as dit, hein. Dans les villes des Blancs, nous avons compris que tout serait plus compliqué que prévu. Il fallait payer le gîte et le couvert au prix fort. Et surtout, faire bien attention à nos affaires. Tu ne viens pas dormir, Abraham? Non, cousin, je surveille le camion. À la nuit tombée, les deux sphars n'osaient pas se risquer dans les rues. Mais le peintre et moi-même, nous aimions bien nous frotter aux dangers nocturnes. Dans chaque ville, on voulait tout voir. Ne loupez aucun détail. Vodka? Tout de suite. À force de bien regarder, mon peintre finit par tomber amoureux. Dis-lui qu'elle est la plus belle femme que j'ai jamais vue. Allez, traduis. Lui, il ne faisait pas les choses à moitié. Quand il tombait amoureux, c'était très russe. Chat. Dis-lui d'arrêter de me regarder comme ça. Je peux pas travailler sinon. Спроси, откуда она? Mon peintre demande d'où tu viens. Eh bah, dis-lui que j'en sais rien. Non, c'est vrai? Bah oui. Quand j'étais petite, j'ai été vendue à une autre tribu, puis mes propriétaires m'ont vendue à leur tour à des Touaregs. Et pourquoi? Bah, je sais pas. Ensuite, des Arabes m'ont rachetée et ils m'ont revendue à des Blancs. T'es une esclave alors? Plus maintenant. Un jour, les Blancs m'ont eu marre de moi, alors ils m'ont abandonnée ici. Du coup, j'ai pu avoir un vrai travail. Donc, tu n'as aucun souvenir de tes origines? Aucun. Et toi, tu viens d'où? T'as l'air bizarre avec tes grandes oreilles. T'es égyptien? Moi? Ah non, enfin je... Moi je sais pas non plus. Oh. Mon maître m'a acheté un blanc qui m'avait acheté un arabe. Ah ouais. On a plus d'un point en commun alors. Je t'explique. Hé, hey, l'aventurier, debout! Il faut y aller! Oh. Chut! Il a besoin de dormir encore un peu. Mais. Pardon. Qui êtes-vous? Il est amoureux de moi. Il a dit que je partais avec vous. Oui. Bon, couvrez-vous d'abord. Vous risquez d'attraper froid comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait, l'aventurier? Il est amoureux. Il veut qu'on emmène une femme avec nous. Si elle accepte, Dieu est grand et c'est une bonne nouvelle. Pourquoi dis-tu ça? Parce que s'il avait fallu continuer à boire ton café jusqu'en Éthiopie, je n'aurais jamais tenu le coup. Est-ce que tu peux être vexant? Ma fille, elle aime mon café. C'est une bonne fille, hein? Et puis d'où tu sais que son café vaut mieux que le mien, d'abord? Ce fut un long voyage. Il n'y a rien à faire, sa patine, il est mouillé le moteur. Il est mouillé? Non, non, avance! Avance? Je te dis avance! Oui, toi, tu dis avance, et moi, qu'est-ce que je fais, moi? Prends! Personne ne s'en plaignait. Quoi? Rien du tout. Rien du tout, c'est les gigueurs. L'accélérateur. Oh là là. C'est ça? Oui. Ça. Même les pannes, ça les faisait rire. Comment on va ranger ça? Oh. On dirait que mon âne a imité. Les deux sphares étaient parfois comme deux gosses. Hey, regarde, les marabouts. On dirait qu'ils vont se battre. Mais non, idiot. C'est leur parade nuptiale. Il y avait aussi un vrai couple. Un chat et un âne. C'était l'arche de Noé, quoi. À force de nous côtoyer, mon pâtre a fini par apprendre quelques mots de français. Toi? Oui. Amour-moi. Les deux tourtereaux pouvaient presque se passer de moi. Toi, pas rire, hein? Difficile parler français pour moi. Je rigole parce que les autres blancs aussi me parlent comme ça. Mais toi, tu ne le fais pas exprès. Bon. Apprends-moi à dire amour sans faire rire, toi. Tu peux dire... toujours? Oui. Tu peux dire que tu ne me quitteras jamais? Oui. C'est ça. Moi, je fais des phrases et toi, tu dis oui. Ce sera plus simple. Oui. C'était reposant. À présent, quand il remarquait des étrangetés durant notre périple, il sollicitait sa fiancée plutôt que moi. Mais pourquoi la femme lève comme ça, avec assiette dedans? J'en sais rien. Ici, ton pays. Toi, savoir. Mais quoi? Tu crois qu'on se connaît tous parce qu'on est noirs? Mais non, mais... Ouais, si, c'est exactement ce que tu crois. Mais c'est grand l'Afrique, tu sais. Et ici, je ne connais pas plus que toi. C'est comme si je te demandais de m'expliquer la Hollande simplement parce que t'es blanc. Ah ah, toi croire, je suis stupide. Non, mais tu vois juste si les gens sont noirs ou pas. Pour moi, ceux-là sont aussi étrangers que des Hollandais. D'ailleurs, je ne trouve pas que je ressemble à ces femmes. Si? Non. Toi, dis vrai. Toi, unique. Ils décidèrent de se marier. C'est parce qu'il est noir que tu veux pas marier à nous? Ah, bien sûr que non. Les rabbins n'ont aucune loi contre les noirs. Mais pour faire un mariage juif, j'ai besoin de deux fiancés juifs. Bah, fais mariage, pas juif, alors. Je n'ai pas la compétence pour ça. Moi, ça ne me gêne pas de prendre le même Dieu que mon mari. Ben. Ah oui, bah, c'est pas si simple que ça. Ça ne se décide pas sur un coup de tête de devenir juif. C'est des années d'études. Chat, dis à ton maître que mon village était plein de juifs qui n'avaient jamais rien étudié. Oui, mais si les gens qui sont des juifs sont des ignorants, c'est la faute de Dieu. Tandis que si moi, je convertis quelqu'un qui ne connaît aucun des 613 commandements, c'est moi le coupable. Bah, eh bien, toi coupable. Pas grave. Faire vite. Je voulais marier. Oui. Oh. Bon. Le plus grand sage juif, il s'appelait Hillel, disait que toutes nos lois tiennent en une phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est qui, mon prochain? C'est moi, non? Oh, toi, je t'aime. Et alors, tout va bien? Mazal tov! Qu'est-ce qu'il doit penser l'Éternel, mon Dieu, quand il voit un rabbin comme moi? Je n'arrive pas à imaginer qu'il puisse désapprouver ta conduite. Moi non plus. Peut-être même qu'il se dit que tu relèves le niveau. Peut-être. Avec Dieu, on ne sait jamais quoi penser. Ah, mais si. Il suffit de te dire que Dieu est un type bien. Tu as raison. Il était content, mon peintre. Il promenait sa femme partout. Il était fier d'elle. Assieds-toi là. Moi, faire ton portrait devant la fontaine. Comme ça? Bah. Ah, c'est ce vernis. Mais en Ouganda, on est tombé sur un autre soi-disant peintre, un Français. Vous devriez la faire poser nue. Ces créatures sont de vraies déesses. Elle est ma femme, d'accord? Il se mit en tête de nous enseigner une méthode pour dessiner les Noirs. Vous voyez, ce qui fait la spécificité du nègre, c'est la courbure de son angle facial. Mon peintre ne comprenait pas les phrases compliquées du français, mais il a bien compris les dessins que l'autre lui montrait. Regardez ce manuel. C'est la base du travail. Ça ne sert à rien de dessiner d'après nature si vous n'avez pas des rudiments de théorie anatomique. Je vois tout ce qu'ils ont. Il corrigea aussi sec l'angle facial du français. C'était la deuxième fois que je le voyais se servir d'un autre outil que ses pinceaux. Sauvage! Il ne faut pas te mettre dans cet état pour si peu. J'en ai entendu des pires, des conneries, tu sais. Dans pays-moi, eux faire même dessin sont juifs. Alors on s'est bien trouvé, mon amour. À Asmara, on a croisé des juifs d'Érythrée. On a rencontré des Noirs convertis au judaïsme. Shalom. On nous a parlé des Falachas qui pratiquent le judaïsme depuis la nuit des temps. Mais personne n'avait jamais entendu parler de cette ville qui s'appelle Jérusalem. Mon chat, dis donc à cet imbécile que sa Jérusalem d'Afrique, elle n'existe pas. Il te répondra que tu n'as pas la foi, ô maître. Et c'est un communiste qui me dit ça. C'est normal qu'il ne connaisse pas. Il se trouve dans une région inaccessible. Tu crois que c'est ça qui va les rassurer? Alors on a repris notre route. Je crois qu'il y a des bêtes dans l'eau. Ah, oh, des bêtes trouillards. Un crocodile? Un crocodile! Écartez-vous! Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, qui autorise exceptionnellement la viande de crocodile. Amen. Et donne-nous des forces, on n'en peut plus. Ça fait penser à du poulet. Le chemin devint si difficile qu'on dut abandonner le camion. Tu vois, Abraham, mon âne, c'est quand même mieux que ton machin. Hein? Oui, c'est vrai. Mais même l'âne, au bout de quelques jours, ne pouvait plus suivre. On le laissa à l'abri, à l'ombre d'un rocher. Vous vous souviendrez bien de l'endroit, vous m'abandonnerez pas, hein? Promis! Quelques jours encore, et les deux sphares durent s'arrêter à leur tour. Mon ami, tu devrais renoncer. Non, c'est mon rêve. J'irai jusqu'au bout. Et toi, avec ton bébé? Je vais là où va mon amour. Moi, je tenais à les accompagner. Tu es courageux, chat. Oh non. Non, je suis curieux, c'est tout. Tu y crois vraiment à ton pays imaginaire? Pour Dieu, je passe voir. Mais le parti communiste, j'ai confiance. Si le service soviétique dit que ça existe, tu peux être tranquille. La seule chose bien dans la révolution, c'est les espions. Un matin, on vit apparaître une cité incroyable. Elle était immense et cernée de remparts gigantesques. Jérusalem! Cette cité était habitée par des Noirs que personne n'avait jamais réduit en esclavage. des Juifs qui n'avaient jamais quitté la terre de leurs ancêtres. Ils n'ont pas l'air très amicaux. C'est normal. Vous nous connaître pas encore. Si seulement on comprenait leur langue. Moi, je comprends. Regarde, il y a un violoniste, comme dans mon village. Cha, dis-leur que je veux voir leur temple. Alors, il m'a dit que le temple est parti boire à la rivière. Il se moque de nous. Viens, on va voir. Regarde, c'est ça leur temple. Un éléphant. C'est des originaux, dis donc. Ne riez pas. L'éléphant était le sceau de Salomon. C'est la marque de l'union avec la reine de Saba. Cha, dis-leur de mener un rabat et qu'ils nous bénissent, ma femme et moi et l'enfant à naître sous l'éléphant. Et dis-leur que je suis juif comme eux. Qu'est-ce qu'il dit? Je peux te traduire, mais tu vas pas beaucoup aimer ça. Pourquoi? Il dit que cette femme n'est pas juive et qu'elle n'a rien à faire ici. Dis-lui que moi, je suis juif. Et explique-lui que je suis son frère. Il trouve que tu l'insultes. Il dit qu'un juif blanc, ça n'existe pas. Il dit que les vrais juifs, c'est eux. Il dit que tu les as offensés et que nous devons partir. Ou ça ira mal pour nous. Alors on est reparti. On a retrouvé les deux sphars. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? On a retrouvé l'âne. Eh ben, raconte-moi quoi. Plus tard. On a retrouvé le camion. Vous l'avez pas trouvé, hein? C'est ça. Vous l'avez bien dit que ça n'existait pas. Tu sais, mon chéri, je la trouve plutôt drôle, moi, ton histoire. Moi aussi. Depuis le début, je le trouve tordant avec son utopie. Tu veux qu'on dise quoi aux autres? On leur dit qu'elle existe ou pas, ta ville? Je crois qu'il faut mentir à eux. Raconter les choses comme elles sont, c'est pas mon travail. Du rabbin de Johann Sfar. Adaptation Catel Guillou. Le chat du rabbin de Johann Sfar est publié chez Dargo. 10e et dernier épisode avec Rufus, Jonathan Cohen, Sid Ahmed Agoumi, Gilles Privat, Léonid Glouchenko, Bruno Henry, Daphné Biigan Wanak, Igor Menjiski, Toufik Jalab, Jean-Claude Sachaud et les voix de Damien Houssier, Sam Sali, Tariq Bétahar, Joris Avodo, Félicien Jutner, Mélissa Barbeau, Morgane Hainaut, Oder Bouka, Adèle Rababa et Karim Torki. Et au Oud, Emra Captan. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Claire Levasseur, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Marie Placet. Réalisation, Cédric Ossire.